Super Fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Super Fail. Puisque la radicalisation pose problème, pourquoi ne pas déradicaliser ? Déradicaliser, en voilà une solution qui n'en est pas une. La déradicalisation, c'est un piège, enfin une fausse solution dans laquelle nous avons voulu croire parce qu'elle prétendait nous débarrasser de ces deux monstres qui nous effraient, islamisme et terrorisme. Mais hélas, il se pourrait bien que la déradicalisation n'ait jamais déradicalisé quiconque. Pour comprendre pourquoi la déradicalisation n'a pas fonctionné, je me suis rapproché d'une équipe de 3 sociologues qui se sont intéressés à ces jeunes à qui l'on a proposé sur la base du volontariat d'entrer dans un programme de ce type. Ces 3 sociologues sont Alex Albert, Joël Cabalion et Valérie Cohen, tous les 3 maîtres de conférences à l'université de Tours. Ils se sont donc intéressés au premier centre de prévention d'insertion et de citoyenneté, CPIC, censé favoriser la réinsertion de jeunes en voie de radicalisation. Et ils racontent l'histoire de ce fiasco dans un impossible travail de déradicalisation aux éditions RS. Le premier centre de prise en charge des personnes radicalisées, avec hébergement de longue durée, un centre de citoyenneté et de réinsertion, sera mis en place cet été. Les premiers accueillis pourront être des repentis dont nous éprouverons la sincérité et la volonté de réinsertion dans la durée. Parce que la radicalisation concerne tout le territoire national, je demande au préfet que d'ici la fin 2017, un établissement de cette nature soit créé dans chaque région. Le plan d'action contre la radicalisation et le terrorisme établit donc une stratégie globale. Elle agit à la fois en amont, pour prévenir, détecter, traquer la radicalisation, et en aval, pour la combattre. Elle agit enfin pour protéger donc les Français. Vous venez d'entendre Manuel Valls, alors Premier ministre, qui annonçait l'ouverture d'un centre de ce type. C'était le 9 mai 2016. C'est lui qui a voulu ces centres et la sociologue Valérie Cohen nous présente le contexte qui a vu naître cette expérience. Le centre qu'on a étudié, c'est une réponse directe aux attentats qui ont eu lieu en 2015 et notamment après le 13 novembre ou juste après ces attentats. Le gouvernement décide d'un plan d'action contre la radicalisation et le terrorisme. Et dans ce plan, où il y avait environ 80 mesures, il y en a une qui consiste à ouvrir des centres de réinsertion et de citoyenneté. À l'époque, il y a 13 centres qui devaient ouvrir et finalement, il n'y en aura eu qu'un seul, celui qu'on a étudié, donc le CEPIC de Pontourny. Quelques mots sur le projet, donc, qui s'adressait à des volontaires. Donc qui n'étaient pas sous main de justice et qui devaient suivre un programme de 10 mois en internat avec des thèmes dans ce programme. Ça, c'était le programme initial où il y avait un travail de désengagement, désembrigadement, un travail qui relevait du parcours citoyen, où il était question de faire des visites mémorielles, de faire du bénévolat avec des rites patriotiques. Et puis, un suivi médico-social qui devait être assuré par des psychanalystes. Et enfin, un projet de réinsertion professionnelle qui devait être mis en place avec les missions locales. Mais surtout, c'était un programme d'inspiration militaire qui avait été voulu par le gouvernement d'Emmanuel Valls, où tout le monde devait porter l'uniforme. Aussi bien les personnels que les pensionnaires, le chant de la Marseillaise, lever des couleurs le vendredi, et puis un cadre très serré en termes d'emploi du temps. Donc ça, c'est pour globalement la présentation du contexte et du programme. Peut-être ajouter quand même un mot pour mieux comprendre ce qui s'est passé par la suite et qui n'est pas anodin. C'est que ce centre a été ouvert dans un récupérer les locaux et le personnel d'un ancien centre de l'aide sociale à l'enfance, l'ASE, qui était donc un centre éducatif de formation professionnelle. Et quand le CEPIC ouvre, il ouvre avec les deux tiers en fait de personnel qui étaient déjà présents sur cet ancien site, qui était composé de formateurs, d'éducateurs, de personnel de maison. Et à ces personnels va se greffer une direction qui, elle, n'a pas de qualification en travail social et provient des EPID, des établissements publics d'insertion qui viennent du ministère de la Défense. Donc avec des conceptions différentes, aussi bien de la radicalisation que du travail social. Ce centre n'a finalement accueilli que 9 pensionnaires sur les 25 places disponibles et a fermé moins d'un an après son ouverture en juillet 2017. Pour les sociologues, si le centre a été un échec, c'est qu'initialement, aucune condition n'était réunie pour que cela fonctionne. Et pour commencer, le public ciblé par ces centres était presque introuvable. C'est ce que nous explique Alex Albert. Alors au moment où ce centre a été imaginé, préfiguré, il était initialement prévu qu'il accueille des revenants de Syrie, c'est-à-dire des publics qui avaient été sur des théâtres de guerre et qui donc avaient des problématiques très particulières. Mais avec la décision d'incarcérer les revenants de Syrie prise dans le courant de l'année 2015, le centre a dû se rabattre sur d'autres publics. Et c'est là qu'est une grosse partie du problème, c'est que il a été décidé, sous la pression notamment des élus locaux, parce que personne ne voulait accueillir un tel établissement, que le centre se dédierait d'abord à ce qu'on a appelé le spectre bas de la radicalisation, donc des gens dits en voie de radicalisation. Donc il fallait trouver des gens qui étaient dans un processus de radicalisation, mais pas trop avancé, qui n'avaient pas commis de délits, qui n'avaient pas d'antécédents d'actions violentes, qui n'étaient pas sous main de justice, qui n'étaient pas fichés S. Donc des espèces de, si vous voulez, des gens en voie de radicalisation. Et ce profil, pour le dire simplement, n'existe quasiment pas. Sur les plus de 10 000 personnes, s'il y en est aux cellules préfectorales, il y avait peut-être une soixantaine de personnes susceptibles d'intégrer le centre, parmi lesquelles, finalement, il n'y avait qu'un tiers au maximum de jeunes qui étaient volontaires. Parce que ce qui est fondamental dans ce projet, c'est qu'il fallait que ces gens en voie de radicalisation soient volontaires pour se faire déradicaliser. Il fallait qu'ils conçoivent leur pratique religieuse comme un problème duquel ils aient envie de sortir. Vous voyez, un petit peu comme quelqu'un qui est dans une trajectoire d'addiction à la drogue réalise à un moment donné qu'il a un problème avec ça. Or, l'évidence, c'est qu'il est extrêmement rare que des personnes engagées dans un tel processus définissent leur radicalisation comme un problème et aspirent, qui plus est, à en sortir. Donc, un centre qui ne trouve pas son public ne peut pas fonctionner. Et c'est pour ça qu'en fait, très très vite, les promoteurs du centre se sont aperçus qu'ils étaient dans une impasse. L'échec de ce centre tient aussi au fait que l'objectif affiché, réinsérer et accompagner des individus radicalisés, n'était peut-être pas l'objectif unique et ou principal poursuivi par cette mesure. Il fallait aussi communiquer politiquement pour prouver que le gouvernement agissait véritablement contre la menace terroriste. Pourquoi c'est impossible? Pourquoi on ne peut pas faire un travail de la manière dont il a été mené? C'est peut-être probablement parce que il nous semble impossible d'inventer un travail à partir d'une promesse politique. Or, effectivement, à quoi servait finalement ce centre? On pense que c'était finalement un centre de communication et qu'en réalité, le problème, peut-être la justice aussi bien faite aux bénéficiaires, entre guillemets, c'est-à-dire aux pensionnaires qu'au personnel, a été de les embarquer dans une opération d'entreprise de communication politique, quelque part pas à leur insu, puisqu'ils se doutaient probablement que ceci allait être très exposé. Or, cette exposition médiatique et politique a été énormément coûteuse, si vous voulez, du point de vue du travail quotidien du centre. Exemple, on ne pouvait pas sortir sans être reconnu, puisque à la fois les personnels comme les pensionnaires portaient un uniforme, et donc... Baladez-vous, Guillaume Herner, dans le Chinonnais avec un uniforme et puis une bande de pseudo-radicalisés, ou radicalisés, c'est pas à la limite à nous de le dire, mais essayez de vous insérer dans un petit contexte géographique, local et villageois du Chinonnais avec une bande de jeunes comme ça, en portant le même uniforme et aucune distinction possible entre les différentes catégories d'agents, si vous voulez. Donc aussi bien au niveau de l'insertion locale que du travail, que de la possibilité de se balader, de faire des visites diverses et variées, on voit bien qu'ici, ce travail était proprement impossible. Donc pas seulement juste du point de vue, si vous voulez, des étiologies, de la manière dont on appréhende la radicalisation, mais pour des choses aussi bêtes et méchantes que de sortir du centre, faire une balade, aller voir un musée, se promener dans les vignes du village, etc., etc., quoi. Valérie Cohen donne d'autres exemples également de ces contradictions qui rendaient ce travail de réinsertion citoyenne extrêmement compliqué. Nous, on a aussi observé des difficultés qui sont liées au travail lui-même et à des conceptions différenciées du travail. Pour vous donner juste un exemple sur ce qu'on fait avec les jeunes, sur le lien, sur le type de lien à construire avec les jeunes. La direction considérait que ces jeunes étaient particulièrement dangereux, donc il fallait s'en méfier. Et avant l'arrivée des pensionnaires, les personnels ont reçu très peu de journées de formation, mais quelques-unes. Et il y en avait notamment une qui était assurée par l'UCLA, l'unité centrale de lutte antiterroriste, où on disait au personnel, surtout, ne pas donner votre nom aux pensionnaires, ne rien dire de votre vie privée, garder vos distances. Mais on leur a aussi appris à se battre. Hein. Ils ont eu des cours de Graf Maga. Il faut garder derrière eux dans le couloir. Voilà. Et toute la question a été, mais comment on crée du lien dans la méfiance? Est-ce que c'est possible de créer du lien, donc de mener un travail de suivi, d'échange dans la méfiance? Les éducateurs en place ont tranché, hein, ça leur était impossible. Donc ils ont fait autrement et ils ont fait comme ils avaient l'habitude de le faire. Donc, et puis il y a d'autres questions qui se sont posées, notamment sur le cadre militaire, la question religieuse, plein de dimensions qui se sont avérées relativement difficiles à mettre en place au quotidien. En fait, rien ne garantissait l'efficacité pratique des programmes de déradicalisation. Il s'agissait, pour une opinion publique inquiète, de rassurer, de montrer que le gouvernement faisait quelque chose, qu'on n'était pas seulement dans la répression, qu'on faisait de la prévention, donc qu'on allait attaquer le problème à la racine, ce qui était une intention tout à fait louable. Mais là où quelque chose a été extrêmement compliqué, c'est le troisième aspect du conflit du travail, c'est justement cette intention qui semble avoir été imposée par le cabinet de Manuel Valls au dernier moment, hein, contre l'avis des experts qui préfiguraient le projet, d'imposer un cadre inspiré des fameuses EPID, hein, les écoles publiques d'insertion de la défense, qui donc reprenaient un certain nombre de rites empruntés à l'armée, un certain nombre de méthodes, un cadre extrêmement formalisé, etc. Et ça, c'était très bien pour communiquer à l'extérieur, mais alors à l'intérieur, ça a posé un gros problème, hein, c'est-à-dire que montrer que ces jeunes étaient repris en main d'une main ferme, à la fois bienveillante, que l'armée remplissait son rôle social, hein, celui qu'elle a perdu depuis la disparition du service, c'était quelque chose, c'est un outil de communication, mais au quotidien, demander à des travailleurs sociaux expérimentés, avec une forte habitude d'un travail au contact, etc., de se mettre à vouvoyer, de se mettre en bleu, hein, simplement, ça a été une source de problèmes très nombreux. Et puis ça posait surtout ce problème, c'est quoi s'insérer, c'est quoi cette insertion citoyenne que revendiquait le centre? Ces jeunes étaient-ils par définition, hors de la République? Et fallait-il organiser et mettre en scène, qui plus est, leur retour à la République par ces rites? Ça, c'est quelque chose qui a été l'objet de beaucoup de problèmes à l'intérieur du centre. Et dernier aspect, le fait que ce centre ait été, pour une certaine mesure, l'incarnation d'une promesse politique et l'incarnation d'une vision politique a fait que lorsque son principal promoteur a démissionné de son poste de Premier ministre pour se présenter à la primaire du Parti Socialiste, concrètement, tout les réseaux de pouvoir, toute la mécanique qui faisait fonctionner le centre a cessé de fonctionner. C'est-à-dire que les préfets ont arrêté de faire remonter les dossiers et le centre a été très rapidement mis en sommeil. Pour avoir été la volonté et le fruit de la conception du problème du Premier ministre de l'époque, eh bien, la démission de ce Premier ministre a concrètement condamné le centre irrémédiablement. Et puis le problème vient également du manque de clarté de la notion même de radicalisation. La notion de radicalisation, c'est une catégorie administrative de signalement, c'est une préoccupation sécuritaire, c'est pas une manière de définir une frontière que l'on franchirait dans la croyance religieuse. Donc c'est extrêmement compliqué, c'est-à-dire qu'on s'attaque à un problème qui est lui-même un peu spectral. Mmh. Et c'est là que le projet a sa part d'incohérence, c'est qu'on essaie d'agir sur un phénomène qui est bien présent dans l'opinion publique, qui débouche sur des conséquences funestes, mais que personne n'a réussi à stabiliser d'un point de vue conceptuel. C'est-à-dire que c'est pas un concept scientifique, la déradicalisation. Vous voyez, donc elle est là, la bêtise collective, j'ai envie de dire. En tout cas, c'est la précipitation. On a confondu vitesse et précipitation. Le temps du politique n'est pas le temps scientifique, et le politique, lui, veut montrer qu'il agit. Et donc, il agit avant même qu'on ait pu faire le tour de cette question et qu'on ait suffisamment de recul pour comprendre ce qui se passe. La déradicalisation a peut-être fonctionné, mais pas pour déradicaliser. Elle poursuit en réalité un but principalement politique, montrer qu'on pouvait faire quelque chose contre le terrorisme. Elle nous a permis de croire que nous n'étions donc pas complètement impuissants contre les islamistes. Mais l'échec de la déradicalisation montre aussi et surtout qu'on ne peut pas empêcher quelqu'un de penser ce qu'il pense et que notre société laïque apparaît bien embarrassée lorsqu'il s'agit de traiter un phénomène aussi mystérieux que le fanatisme religieux. Superfell a été dévasté par Juliette Devaux à la production, ruiné par Audrey Gélil à la technique et gâché par Vivien Demeyer et Louise Loubrieux à la réalisation. Superfell.